Bon vendredi à tous, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour plonger dans la sphère, dans l'univers du 9e art. Et cette semaine, le 9e art, ben, on l'envisage à travers différentes thématiques, mais à fois des thématiques aussi franchement distinctes. Alors en deuxième moitié d'émission, on va aller plus vers la réflexion sur le corps, vers notre relation au corps, un peu dans la foulée de ces discussions publiques et de ces prises de parole publiques sur la question de la grossophobie. Alors donc, on va explorer la bande dessinée La Grosse Laide de Marie-Noëlle Hébert. C'est du côté des éditions XYZ. Alors, une bande dessinée où l'autrice nous livre un témoignage vibrant sur, justement, sa relation problématique avec son corps. Une relation problématique qui a été, disons, j'ai l'impression, un peu... disons, déclenché par justement des commentaires, des réflexions, des discussions autour justement d'elle et éventuellement qu'elle s'est appropriée aussi et elle s'est, au fil des années, dressée un miroir déformant de ce qu'elle était et de ce qu'elle, de son apparence. Donc, on va explorer un peu ces thématiques-là dans un album noir et blanc dessiné au crayon de plomb. C'est vraiment... très fort, très puissant comme récit, au-delà de la thématique, même dans les moyens aussi qui sont mis en œuvre pour nous faire ressentir, comprendre, saisir l'isolement d'un côté, la violence aussi des propos, des éléments, des réflexions, de la façon dont on pouvait les vivre. Donc bref, on avait envie de vous en jaser. Ce sera chose faite donc en deuxième moitié d'émission. Pardon. Et en première moitié, eh ben on va plonger dans un autre sujet complètement, donc plus un sujet historique. Une anecdote historique, en fait, où dans la Deuxième Guerre mondiale, en Gaspésie, à New Richmond, ben il y aurait eu un espion allemand qui serait débarqué, la pire opération d'espionnage de l'histoire, à peu près 2 heures que ça a duré. Et ben il y a Voro et Frédéric Antoine avec l'espion de trop qui nous ramène dans cet univers-là. Et sincèrement, c'est un peu un moment de mea culpa pour moi parce que la bande dessinée, je l'ai sur ma table de nuit depuis à peu près... avril ou mars de l'année dernière, et au point où essentiellement je l'ai oublié en dessous de la pile. Et comme peut-être certains d'entre vous le savent, j'ai fait du ménage avant le temps des fêtes et j'ai retrouvé cet album-là et je l'ai lu et je me suis dit, mon Dieu, quel chouette album, vraiment, bien rythmé, bien mené, bien monté, bien dessiné. Ça a été une belle surprise également et j'ai vécu un regret intense de l'avoir oublié comme ça. Alors je me rattrape et j'en jase avec Voro dans quelques instants, mais pour vous amener justement dans l'univers de cet espion de trop. Alors voilà, c'est notre menu aujourd'hui à La Vie en BD. Et ben, on vous invite à nous suivre au fil de 7 heures dédiées à la bande dessinée. Des petits intermèdes à saveur 8 bits qui nous accompagnent ici à La Vie en BD. Cette semaine, c'est la formation Zabuton qu'on va suivre au fil de l'émission. Et pour l'instant, on se transporte vers la Gaspésie, on se transporte vers la baie des Chaleurs et également vers l'Allemagne avec cette bande dessinée L'Espion de trop. C'est une bande dessinée scénarisée par Frédéric Antoine, dessinée par Voro. C'est édité du côté de Glénat Québec et de Glénat en général. Voro est avec nous au bout du fil. Bonjour. Alors, ben dans L'Espion de trop, toi et Frédéric Antoine, vous nous amenez donc vers la Gaspésie. Je le disais, on est en pleine Deuxième Guerre mondiale dans l'histoire d'un espion allemand qui est arrivé un beau jour. C'est inspiré d'une anecdote historique qui est quand même bien connue dans la région, peut-être un peu moins hors de la Gaspésie. Qu'est-ce qui vous avait amené peut-être vers ce sujet-là, vers cette anecdote-là? Ben, moi, j'ai été approché pour mon travail sur Tard dans la nuit Glénat savait que j'avais déjà travaillé sur la Gaspésie dans ces années-là. Puis là, ils ont dit on aimerait vraiment ça, d'avoir le même traitement graphique que sur Tard dans la nuit. Fait que ça a été un peu un clé en main pour moi, là. J'ai pas eu à monter de gros dossiers, ça a été accepté tout de suite. Ce qui était très drôle dans cette histoire-là, c'est que on avait presque rien pour monter l'histoire. Il y a eu deux petits articles seulement qui ont été faits, dont un des deux, c'est une caricature, et l'autre qui était un petit article de journal qui est sorti presque 2 ans, parce que l'armée canadienne a gardé tout ça sous silence plusieurs années pour utiliser l'espion comme agent triple, agent double. Ça fait que c'était un projet qui a demandé énormément de recherche. Oui, en fait, j'ai l'impression pratiquement, en fait, en Gaspésie, ça circulait plus dans l'histoire orale que dans l'histoire officielle. Oui, puis il y a beaucoup de théories autour de cet espion-là. Disons que les gens connaissent un peu les faits de base, mais personne ne connaît vraiment pourquoi sa mission a été vouée à l'échec. Là, il a été sacrifié, puis sa mission a été sabordée. On ne sait pas pourquoi. Puis nous, on a essayé d'aller chercher une théorie un peu plus humaine, un peu plus intéressante pour monter une histoire. Ça fait qu'on a opté pour la version humaine de la chose. Oui, parce que dans le fond, si on rentre un peu dans le détail, essentiellement, ce qui fait l'intérêt aussi de cette histoire d'espionnage-là, c'est au bout du compte, c'est une histoire d'espionnage complètement ratée où tout ce qui peut aller mal va mal au bout du compte. Et essentiellement, on en vient aussi à se demander mais pourquoi au bout du compte ça va aussi mal, et ça devient un moteur de suspense aussi pour l'histoire, pour vous, pour les auteurs. Oui, tout à fait, parce que c'est sûrement un des pires espions de l'histoire de l'humanité tout court, pas juste de la Deuxième Guerre. C'est un espion qui a tout ce qu'il y avait sur lui, l'argent qu'ils lui ont donné, c'était de l'argent qui était plus en cours au Canada, des vieux bons du gouvernement, les cigarettes, les allumettes qu'il y avait sur lui, c'était des allumettes belges, des cigarettes américaines, c'est tout des objets qui auraient dû avoir un tampon canadien qu'il n'avait pas. C'est son contact à Montréal, même s'il avait réussi à se rendre jusqu'à Montréal, à prendre le train puis à se rendre à Montréal, son contact était en prison depuis 2 ans, je crois. C'était quelqu'un qui supportait le mouvement nazi puis qui avait été emprisonné quelques années avant son arrivée. Fait que c'était assez rocambolesque comme histoire, sauf que c'était quand même pas un imbécile, parce qu'il a réussi à sauver sa vie puis il a bien manigancé pour pas se faire tuer, parce qu'à l'époque, les espions, c'était la peine capitale, là, hein, on avait le droit de les pendre sur le champ, là. C'était pas des soldats. Ils étaient vraiment vus comme des ennemis de la nation, puis on avait le droit de les exécuter. Et dans ce contexte-là, pour nous faire vivre un peu le suspense, on choisit de nous mettre un peu plus dans la perspective de cet espion-là, de Bobby, dans ce périple-là, et de vivre un peu à travers sa perspective, si on peut dire, toute cette dérive, toute cette chute qu'il va vivre au fil des 56 pages de l'album. Oui, parce que c'était pas... en tout cas, de mon côté, c'était pas vraiment intéressant de prendre un parti après toutes ces années-là, militaire, que ce soit vu occidental ou un peu plus nazi ou quoi que ce soit. C'était tous ces gars-là, des soldats. Ils n'avaient pas le choix d'aller se battre pour le pays dans lequel ils étaient pris. Puis, ils n'avaient pas de choix qui pouvait prendre aucun des deux côtés. Donc, ils n'avaient pas le choix d'aller se battre pour les nazis, ce gars-là. Puis, en cherchant, on a vu qu'il n'y a à peu près aucun militaire qui aimait le parti nazi. Il y en a beaucoup qui ont été tués parce qu'ils ne voulaient pas suivre les ordres, mais ils n'ont pas eu le choix de finir par suivre le mouvement puis d'embarquer dans tout ça. Mais son grand patron, le patron du contre-espionnage, finit par être abattu dans son bureau. Fait que ce projet-là est sûrement un des projets qu'ils ont utilisé contre le service de contre-espionnage allemand pour arriver à se débarrasser du grand boss allemand du contre-espionnage. Mais ce qui est fantastique, c'est de voir comment ce gars-là était mis dans un pétrin pas possible, puis qu'il a quand même réussi à tirer son épingle du jeu malgré tout. Oui, puis ça devient, en fait, pour autant pour Frédéric-Antoine côté scénario, autant pour toi côté dessin, Voro, c'est une opportunité de créer des tensions. Je veux dire, en fait, il est toujours sur le bord d'être reconnu, c'est toujours sur le bord de chavirer. Et donc, en prenant la perspective de cet espion-là, en le mettant un peu au centre, dans sa vision, en fait, de ce qui arrive, bien, on réussit pour le lecteur aussi à nous mettre dans une situation de tension. Et par moments, j'ai presque l'impression qu'on surfe entre l'espionnage puis le roman noir aussi, presque. Oui, c'était le but dès le départ. On voulait justement mettre le lecteur dans une situation où il se rend bien compte que c'est quelqu'un de très humain malgré tout, malgré que c'est un homme assez mauvais, un homme qui est courageux, joueur, puis qui a pas le choix de tuer aussi, hein, parce qu'il faut pas oublier que c'était la guerre, puis que la plupart des soldats ont pas eu le choix de tuer. Mais malgré tout, c'était quelqu'un qui était humain. Puis on essaye de placer le lecteur un peu entre les deux, puis de se demander jusqu'au bout, est-ce que je devrais avoir pitié de lui? Pas parce que c'est quand même, ça fait pitié de voir dans quel pétrin il est pris, là. Ou tout simplement dire que c'est un espion nazi, puis que c'est un méchant. Mais il n'y avait pas ce... Après toutes ces années-là, quand on prend un peu de recul, on se rend bien compte que, à part Hitler, il n'y en avait pas vraiment de méchants dans toute cette histoire-là, que c'était des hommes qui étaient engagés très jeunes et puis qui n'avaient pas le choix de suivre la mission puis d'essayer de faire leur gros possible pour survivre au bout de tout ça. D'ailleurs, il y a eu seulement 3 espions qui ont réussi, peut-être plus, mais qui ont été pris au Canada. Et puis lui fait partie de ces 3-là. Puis parmi les 3, il y en a un qui a complètement abandonné sa mission, qui a pris tout l'argent qui lui a été donné, qui s'est installé, puis qui a passé sa vie au Canada, qui a pris femme, puis qui a passé sa vie au Canada. Il y en a un autre qui a été qui s'est rendu jusqu'à Toronto, puis qui a été pris là-bas après quelques mois. Puis lui, Bobby, c'est le pire des 3. Il a été pris après une demi-journée à peu près. Mais c'est l'histoire la plus intéressante des 3, disons. Oui, parce qu'en même temps, on va chercher justement différents moments, des scènes de tension, autant dans des contextes de dialogue, quand il arrive à l'hôtel, l'épisode du train, et en même temps, on bascule aussi vers justement des scènes d'action, la course-poursuite en train au sommet du crescendo de l'album. C'est un beau moment épique de mise en scène qui nous amène un peu ailleurs aussi dans un autre rythme de récit, là. Oui, puis ça a été vraiment monté avec Frédéric-Antoine parce que on voulait quand même, parce que la vraie histoire, on a gardé toutes les faits historiques, mais dans la vraie histoire, il s'est rendu comme un lâche, là. Il a embarqué dans le train, puis le policier est rentré, puis dès que le policier s'est assis à côté de lui, il s'est rendu immédiatement, là. Il y avait un radio-émetteur dans une de ses 2 valises. Il savait que dès qu'il allait ouvrir la valise, il allait découvrir que c'était un espion, fait qu'il n'a pas essayé de jouer le jeu. Mais nous, comme c'est une bonne histoire, qu'on voulait que ça soit un peu plus romancé et cadencé, surtout pour à la lecture, on voulait qu'il y ait un montant un peu en crescendo dans toute cette aventure-là. Puis on a opté pour une course-poursuite à la fin qui la porte à la même endroit que dans la vraie histoire. Et qui côté justement mise en scène, action, donc on nous amène, en fait ça, j'ai l'impression que ça accentue l'effet du crescendo que vous montez au fil de l'album, en fait, où on passe tranquillement, ça monte, ça grimpe, et c'est un peu l'explosion finale, donc il y a une belle logique dans la suite des choses que vous nous proposez, là. Oui, c'était voulu. On a vraiment monté l'histoire, puis Fred il voulait garder les 10 dernières planches pour une scène d'action, puis c'était vraiment l'optique. Et à travers tout ça, Voro, côté visuel, en fait, on se limite pas, entre guillemets, seulement à la Gaspésie des années 40. En fait, évidemment, il y a ça. D'un autre côté, le dessin et l'histoire nous amènent dans un sous-marin, en Europe également. Donc, j'imagine que ça a été une belle variété de visuels, puis une belle variété d'ambiance aussi à nous proposer, parce que chaque lieu a un peu son identité visuelle de couleur et de reste. Oui, heureusement pour le lecteur et malheureusement pour l'illustrateur. C'est beaucoup plus de travail. Puis ce qui est abominable comme travail, c'est d'essayer de trouver de la documentation sur un U-boat allemand. Les photos d'époque, on voit absolument rien. Un sous-marin, c'était fermé, opaque. Il y avait pas un brin de lumière qui rentrait à l'intérieur. Fait que les quelques photos qui ont été prises de ça, on voit à peine. prennent les reflets sur le bord des joues des soldats, puis deux, trois engrenages ou deux, trois fils qui pendent au plafond. J'ai été obligé d'aller chercher toute la documentation dans des films, des reproductions qui ont été faites sur ces années-là, parce que côté de photos, documents, j'étais incapable de voir quoi que ce soit. Et puis le côté allemand, c'est une commande qui est venue un peu plus de Glénat France par la suite, quand ils ont vu les premières planches, puis le sujet de l'album. Là, ils sont partis à peur, ils nous ont demandé de travailler plus le côté historique, Deuxième Guerre, sous-marin, parce qu'il y a énormément de lecteurs qui collectionnent les histoires de Deuxième Guerre. Puis il y a presque pas de bande dessinée qui a été faite sur les sous-marins, puis ils voulaient vraiment qu'on travaille cet aspect-là. Donc j'ai pas eu le choix de m'y mettre, mais ça a été énormément de recherche, effectivement. Oui, puis j'imagine, en fait, c'est le genre de situation où on profite un peu d'un intérêt pour valoriser aussi des épisodes qui sont passés ici, parce que, dans le fond, la Deuxième Guerre mondiale, au Québec, on la connaît pas tant que ça, alors que, entre autres, en Gaspésie, je veux dire, il y a eu des sous-marins, il y a eu cet espion-là, il y a eu la torpille, les espions que tu parlais tantôt, donc c'est une belle opportunité de revaloriser ce pan méconnu-là aussi de l'histoire canadienne. C'est assez fantastique, hein, parce que quand j'ai fait des conférences ou des rencontres d'auteurs pour parler de cette histoire-là, ça a pris deux générations, on a tout oublié. Il y a eu des dizaines de bateaux qui ont été coulés dans la bataille du Saint-Laurent. Il y a eu des centaines de morts. Les sous-marins allemands se sont installés à l'entrée du fleuve, puis avaient pour mission de couper tout le ravitaillement que le Canada essayait d'envoyer en Europe. Puis ils torpillaient tous les bateaux qui essayaient de passer là. La plupart étaient des bateaux pêcheurs. Il y a eu des gros bateaux marchands qui ont été coulés. Puis il y a eu quelques bateaux militaires, mais la plupart, c'était les morts, c'était des marchands qui essayaient de passer là, des cargos. Et comme je vous dis, il y a eu des centaines de morts. Les gens dans les villages ici, là, en Gaspésie, puis dans le Bas-Saint-Laurent, il y avait des affiches sur le bord des gares qui disaient « Ouvrez pas vos lumières le soir, parce que il faut pas que les sous-marins, les U-boats, puissent voir où se situent les villes puis les villages. » Puis cette affiche-là que j'ai reproduite dans l'album en couleur, là, c'est une vraie affiche d'époque qui était accrochée un peu partout dans les villages. Puis le monde, il y avait une phobie, là. Dès qu'il arrivait à cette époque-là, dès qu'il y avait un nouveau qui rentrait dans un village, tout le monde pensait que c'était un espion allemand tout de suite. Tu t'arrivais d'un village, puis tu t'étais pas un natif de cette place-là, puis tout le monde te regardait croche. Imaginez-vous si, en plus, vous avez un accent allemand, que vous avez des mauvais documents, que vous sentez l'huile à bateau, puis sûrement la sueur à plein nez, là, parce qu'ils ont passé plusieurs semaines, quelques mois dans le sous-marin, sans prendre de douche, rien. Ils devaient puer, ça devait être abominable quand ils rentraient à l'hôtel. Ça fait que ça devait pas être évident de rentrer dans le village comme ça. Puis l'heure à laquelle il s'est présenté dans le village, parce qu'ils l'ont débarqué de nuit pour essayer de se cacher, pour pas être vu le jour par ceux qui étaient dans les phares puis qui surveillaient les sous-marins, tout ça. Ils ont fait ça de nuit. Puis lui, il a eu l'idée de rentrer dans le village l'avant-midi à pied. Mais tu pouvais pas arriver à pied en Gaspésie à cette époque-là. Puis le matin, il n'y avait aucun train, aucun autobus. Le premier autobus, je pense qu'il était à 2 h de l'après-midi, puis le premier train en fin d'après-midi. Ça fait que tout a joué contre lui, là. Et à travers ça, donc tu disais, Varro, on fait de la recherche évidemment sur les sous-marins, un peu plus complexe, sur l'Allemagne, un peu plus de documentation en Gaspésie. Là, de ce que j'en comprends aussi, de ce que tu disais d'entrée de jeu, ben tu te retrouves en terrain connu, avec l'histoire de la région, avec les couleurs, l'esprit, le cadre de ce que ça pouvait avoir l'air, la Gaspésie des années 40. Oui, ben moi, disons que la moitié de l'album que j'ai eu de la facilité à dessiner, puis l'autre moitié qui est un vrai cauchemar, que j'ai dû faire beaucoup de recherches, parce que je m'attendais pas à avoir autant de planches en Allemagne, puis dans le fond du Saint-Laurent, dans le sous-marin à faire. Et puis plus que le projet prenait place, plus que l'éditeur demandait d'autres scènes de sous-marin, d'autres scènes en Allemagne. Donc, si ça avait été moi qui avais écrit l'histoire, ça aurait commencé avec le débarquement sur le bord de la berge en Gaspésie, puis ça aurait été un peu plus en vase clos, comme les histoires que je fais normalement. Mais là, c'était vraiment plus une histoire d'aventure. C'est sûrement l'histoire, la, l'histoire dans laquelle il y a le plus d'action, sur laquelle là, j'ai travaillé. Et côté tonalité, j'imagine qu'on essaie de trouver aussi pour chaque épisode, chaque section, des tons de couleurs dominants. Par exemple, les scènes gaspésiennes, on est plus dans le brun, dans l'oranger. Oui, oui. Puis dans le sous-marin, on est vraiment dans les gros bleus froids. En Allemagne aussi, j'essaie de rester gris avec un peu un smog. C'est voulu. À chaque scène, à chaque lieu, j'essaie d'imposer une ambiance graphique. C'est Mathieu Serrois, un ami qui habite dans mon village, qui a fait les couleurs. C'est un artiste sous le nom de Kemiken. Vous pouvez trouver son travail sur Internet. Puis lui, il m'a aidé à faire les couleurs. Moi, je faisais le deuxième passage. Mathieu faisait le premier passage. Puis ça, c'était génial parce que la plupart des albums sur lesquels j'ai travaillé, ça que j'ai fait la couleur, c'était simple. C'est toujours la meilleure façon, mais quand on a un éditeur qui veut sortir l'album dans 10 mois, on n'a pas le choix de collaborer puis tout ça. Mais la plupart des albums sur lesquels j'ai dû collaborer pour la mise en couleur, c'était avec des Français ou des Belges qui étaient à l'autre bout du monde, puis on s'envoyait 2-3 courriels. Mais de pouvoir travailler avec quelqu'un qui habite à 3 coins de rue de chez vous, là, c'est assez génial, ça. Oui, ça permet d'explorer différemment, de voir, d'expérimenter peut-être un peu plus en direct, si on peut dire, avec les couleurs, les métissages, les choix de couleurs, les ambiances, l'ensoleillement aussi, Paul? De se rencontrer pour tout simplement discuter, puis faire les choix ensemble, puis prendre le temps de d'être sur la même longueur d'onde avant de commencer le travail, ça c'est fantastique. Et donc, en fait, tout ça a donné donc l'espion de trop. Est-ce que c'est en fait une tangente ou un créneau dans lequel on risque de te retrouver dans les prochaines années, ou présentement tu es sur un tout autre projet? Ou... Non, ouais, pas du tout. Non, c'est vraiment un one-shot d'espion, aventure, polar. Mais non, le prochain projet sur lequel je travaille, c'est assez expérimental. C'est avec François Lapierre. C'est l'histoire d'un schizophrène. C'est fait à deux parce qu'on on illustre les deux visions, la réalité puis son image, lui, qui se fait dans sa tête. Puis c'est l'histoire d'un schizophrène qui va virer la ville à l'envers pour prouver sa théorie de triangle amoureux entre son frère, sa belle-sœur et son psy. Fait que ça va être un album assez flyé, un peu plus à la Pulp Fiction. Puis, parallèlement à ça, ben, je travaille sur un petit roman graphique en noir et blanc qui raconte l'histoire d'un petit bonhomme qui tripait puis qui voulait faire de la bande dessinée quand il était jeune. Disons que ça ressemble beaucoup à mon histoire, c'est romancé, mais j'ai des projets assez différents. À chaque fois que je commence un nouveau projet, j'essaie de me lancer des nouveaux défis, autant graphiques que scénaristiques, pour avoir des motivations un peu plus fortes que de juste refaire ce que j'ai déjà fait. Oui, il y a un plaisir à se mettre en danger, veux pas, là. Mm-hmm. Oui, tout à fait, parce que c'est la bande dessinée, c'est très, très exigeant. C'est un des métiers où on travaille le plus côté artistique, puis qu'on est le moins rémunéré. Fait que si on va pas chercher en plus la passion, puis les défis dans ce métier-là, on est aussi bien d'aller faire de l'illustration pour de la pub ou pour les grosses boîtes de jeux vidéo, c'est plus simple. Eh bien, Varro, merci beaucoup pour ce survol de l'espion de trop. Merci. Bonne soirée. À la prochaine. Bye. Alors, je rappelle qu'on jasait avec Varro, donc dessinateur de cet album, donc l'espion de trop. C'est scénarisé par Frédéric Antoine. C'est disponible du côté de Glénat pour les intéressés. Alors, ben nous, on repart maintenant en musique, toujours à saveur 8 bits, ici à La Vie en BD. Et avant de passer vers la prochaine entrevue, peut-être deux petites notes de lecture rapide. Deux bandes dessinées que j'ai bien appréciées, en fait. Ces temps-ci, on dirait, je sais pas, je suis un peu tombé dans les biographies et j'en profite pour apprendre un peu sur différents personnages. Et entre autres, avec Fire, j'ai appris sur Zora Neale Hurston, une romancière, anthropologue, cofondatrice de la revue Fire avec deux points d'exclamation. Une occasion de voir un peu et de plonger à la découverte de l'état des lieux et de la situation en ce qui a trait aux Noirs du sud des États-Unis. Donc, c'est un sujet sur lequel elle s'était beaucoup intéressée. Zora Neale Hurston a été au cœur de différents mouvements sociaux, a été une autrice qui a été reconnue également de son vivant, qui s'est intéressée à différents enjeux et qui s'est élevée aussi contre différentes réalités qui la faisaient réagir. Alors, elle s'est intéressée à tout ça et à travers son action, elle a d'une certaine façon défini le concept de Black Pride, tel qu'il a été nommé plus tard. Donc, on voit un peu, dans le fond, l'importance de cette femme-là dans l'histoire, dans l'appropriation de cette culture-là et dans la documentation également de cette culture-là. Alors bref, ça me semble être une femme absolument extraordinaire. Et en bonus, dans la BD Fire, outre le 80 pages de bande dessinée, on a également 40 pages de notes et d'explications, donc pour essayer de bien comprendre, saisir et profiter de cette expérience d'apprentissage. Alors, dans un dessin qui est, très... dynamique, défaut en fait c'est comme dur à en fait j'ai pas d'inspiration pour le décrire et pour une raison nébuleuse j'ai pas la BD devant moi, mais donc un dessin qui est un brin caricatural à certains égards, donc semi-réaliste, très coloré en fait, donc très des couleurs assez saturées en fait, soyons plus précis. Et donc on retrouve donc ce personnage là et on la retrouve donc à différentes époques de sa vie, des époques charnières, des moments charnières de son existence, donc de sa jeunesse jusqu'à son décès. Elle est décédée un peu inconnue, elle est décédée, même si elle a eu un beau succès à un moment donné, donc elle est tombée un peu en désuétude en cours de route, si on peut dire. Donc bref, c'est vraiment un parcours impressionnant, et là-dessus, j'ai l'impression en fait l'histoire du le dessin et le récit nous amène vraiment plutôt à nous aiguiller dans le fond d'épisode en épisode de manière claire, de manière suivie, avec des bons repères. Donc là-dessus, c'est bien bâti. Et sincèrement, on embarque parce que l'histoire de cette dame-là, au départ, est absolument hallucinante. Je veux dire, un parcours d'engagé, d'activisme, un toupet absolument imposant aussi. Là, je veux dire, elle ne s'en laissait pas imposer. Et des graphismes, donc, je rappelle en fait qu'ils sont simples, qui peuvent un peu peut-être jouer à contrepartie avec la nature du sujet. Donc un côté cartoon. En fait, je reviens un peu sur les dessins parce que je trouve pas que je l'ai bien décrit, des couleurs vives, basiques, mais ça fonctionne, ça crée un bel esprit d'ensemble. Jetez un coup d'œil quand vous le croiserez en librairie, vous verrez si c'est quelque chose qui peut fonctionner pour vous, mais sincèrement, en termes de sujet de documentaire, là, c'est vraiment fascinant. Donc ça, c'est Fire, c'est de Peter Bagg, donc pour nous amener vers ce personnage donc de Zora Neale Hurston. Et dans un autre registre biographique aussi, je vais prendre 2 minutes pour mentionner Orwell, donc figure évidemment incontournable de la littérature d'anticipation, de la littérature fantastique. Et en fait, on le connaît, moi je le connaissais pour 1984, je le connaissais pour La ferme des animaux, mais dans le fond, je me rends compte que je le connaissais pas vraiment. Je veux dire, l'auteur était né en 1903 au Bengale, il s'intéresse à la littérature, il signe un poème assez rapidement, donc on voit l'intérêt. Éventuellement, donc, il va être envoyé dans une école réputée, clientèle peut-être un peu plus aristocratique. Donc, il va réagir à tout ça. Il va aller faire la guerre. Il va aller donc influencer des actions politiques. Il va faire plein de choses. Une vie absolument fascinante, encore une fois. Il veut pas, les biographies dépendent généralement largement de leur sujet. Et donc, dans ce cas-ci, on découvre donc un parcours d'Orwell, à la fois dans ses études, à la fois policier ou soldat, à la fois prolétaire, dandy, journaliste, défenseur, patriote, auteur, donc plein de facettes de son existence. Et contrairement à Fire dont on parlait tantôt, qui est dans un graphique, qui était dans un graphisme un peu plus donc cartoon, et ben là dans ce côté avec Orwell, on est vraiment à fond dans un dessin très très réaliste. Donc on est vraiment dans deux ambiances radicalement différentes et donc deux manières de nous raconter des êtres d'exception. Et dans ce cas-ci, dans le cas d'Orwell, on nous amène aussi vers le texte, les mots d'Orwell également. Donc, avec des illustrations de différents illustrateurs, donc des Guarnido, Bilal, Larsenet, qui vont s'attaquer aux visuels qui sont au récit, donc qui font un peu des parenthèses à l'intérieur du récit. Le reste dans un noir et blanc très, très classique. En fait, vraiment, c'est deux ouvrages qui nous racontent de belles façons et de façon claire, avec un bon traitement. Des personnages exceptionnels, et donc ça nous donne envie de les connaître un peu plus, ces personnages-là, en lisant ces livres-là, et en même temps on a l'impression de les connaître plus en lisant ces ouvrages-là. Donc pour moi c'est un peu mission accomplie dans les deux cas. Alors pour le deuxième, c'était Orwell de Pierre Christin, et pour une raison nébuleuse je n'ai pas encore là le nom du dessinateur devant moi, mais bref, Orwell, donc biographie qui mérite d'être lue également. Alors voilà, pour ces deux petits commentaires rapides, on prend une courte pause. Restez à l'écoute de CKRL 89.1, c'est La vie en BD qui se poursuit. Toujours l'écoute de La vie en BD sur CKRL 89.1. En musique, cette semaine, c'est Zabuton avec leur EP Bad Television qui nous accompagne. Je vous rappelle également que vous pouvez trouver La vie en BD sur Facebook, facebook.com/La vie en BD, et nos émissions sont disponibles en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. D'ailleurs, vous pouvez toutes trouver nos émissions depuis pratiquement 2011. Alors ben voilà pour ces informations corporatives. Alors maintenant, on plonge vers notre prochain sujet, notre prochaine entrevue. Alors, l'album La Grosse LED, c'est du côté des éditions XYZ, un témoignage, un regard, une prise de parole sur notre relation, sur une relation qui peut devenir trouble, parfois avec notre corps et avec la perception qu'on a face à celui-ci. Pour en jaser avec nous, l'autrice est avec nous au bout du fil, Marie-Noëlle Hébert, bonjour. Bonjour. Alors, ben commençons peut-être avec le titre. Je pense que c'est la meilleure mise en contexte qu'on peut faire. La grosse LED, c'est un terme essentiellement que vous avez porté, un qualificatif dont vous vous êtes afflubé dès l'adolescence ou presque. Donc, j'imagine un titre qui allait peut-être un peu de source pour un livre, un récit qui allait explorer justement ces blessures fortes qui vous ont construites malheureusement, en fait. Ouais, ben la grosse LED, c'est... j'ai même pas hésité une seconde, en fait, avant de choisir ce titre-là. Je l'écrivais partout, tu sais, à chaque fois que je titrais mon projet, puis même avec mon éditeur, ça, lui, il était quand même, il a eu quelques hésitations, mais il m'a suivi là-dedans, mais c'était vraiment un titre aussi que je mettais dans mes journaux intimes, tout le temps, partout, depuis vraiment mon adolescence, là, vers 13-14 ans, ça teintait mes écrits. Et justement, autre élément de contexte, dans le fond, quand vous avez choisi en 2013 de vous plonger dans ce projet d'album-là, vous êtes replongé aussi dans justement ces journaux-là, à la découverte un peu de l'enfant, de l'adolescente, puis de la jeune adulte que vous étiez, dans le fond. C'était vraiment difficile. En fait, quand j'ai commencé, ça a été le plus difficile de faire ça que de faire les dessins finaux, là. C'était vraiment de creuser, puis en creusant... je découvrais beaucoup de choses que j'ai voulu oublier ou que j'ai tout simplement omis de, en tout cas j'y pensais plus à ces choses-là, puis ça m'a je suis allée vraiment vraiment creux, là. Tu sais, j'étais plus déprimée, en fait, suite à ce début de projet-là, mais qu'avant, quand j'ai commencé à le concevoir, là. Dans le fond, est-ce que c'est parce que vous anticipez pas l'intensité de cette perception-là, de cette obsession-là, de cette violence-là que vous faisiez au fil de votre vie, que les autres aussi vous faisaient au fil de votre vie, ou? Oui, parce que quand tu regroupes tout ce qui a cloché dans ta vie, et que, tu sais, c'était simple. Dans le fond, j'ai construit ma BD à partir de simples anecdotes. Et là, mis bout à bout, toutes ces anecdotes-là, ça a fait mal, tu sais, de voir ça. Et de faire des liens aussi entre tous ces petits épisodes-là. Aussi, j'ai beaucoup interrogé ma famille pour savoir... je voulais savoir, en fait, ce que je pensais de mon corps. Et aussi, est-ce que les gens l'ont vu, que ça a changé ma perception de mon corps, à quel âge, qu'est-ce que je disais, eux, qu'est-ce qu'ils pensaient de ça, puis tout ça mis à bout, ça m'a brisé un peu le cœur, là. Et de ce que j'avais compris, au fil de mes lectures, vous avez fait pratiquement une ligne du temps pour justement suivre un peu les événements puis les moments marquants. Oui, une frise du temps, puis même, tu sais, chaque période avait un nom. J'avais un nom d'une période, c'était là, tu le sais. C'est que tu sais que t'es grosse puis que t'es laide. Tu sais, c'était une période. Puis il y en a, j'ai oublié les autres, là, mais tu sais, il y a même une période, c'était le gros mignon. Tu sais, c'est quand j'étais bébé ou plus jeune. Tu sais, j'avais tout. Comme si ma vie était plein de faits si intéressants, hein, mais tu sais, c'était tout lié au corps, là. J'ai vraiment fait une frise du temps de ma vie, mais tu sais, c'est pas pertinent pour personne, sauf pour construire mon récit, là. Oui, pour construire le récit, puis j'imagine, en fait, dans une logique, parce que j'imagine, en fait, si j'essaie de me mettre un peu à votre place, je me dis, il doit avoir un côté thérapeutique aussi, d'une certaine façon, très confrontant, comme vous disiez, mais si on réussit à passer à travers, ça peut changer aussi, ça peut nous approprier peut-être notre passé, je sais pas, ou quelque chose de... Oui, c'est sûr que ça devient un objet que... Tu sais, quand j'ai commencé la BD, c'était sur mes épaules, j'étais dans la souffrance, tu sais. Puis là, c'est un processus que ça m'a pris 6 ans là, à la faire, parce que je l'ai souvent recommencé. Mais à la fin, ça devient juste un objet où j'ai fait des beaux dessins, puis c'est devenu du beau, tu sais. Puis avec ma famille, ça a renoué nos liens, je crois. Puis c'est tout le monde m'en parle aussi de ça dans ma famille, puis sont contents. Donc ça, c'est tout un processus. Puis je l'ai pas fait tout seul, ça, je tiens souvent à le dire, parce que quand j'ai commencé ma BD, j'ai commencé aussi à consulter, parce que c'était trop difficile. J'avais besoin d'un soutien psychologique aussi, en lien avec ce processus créatif-là. Puis donc c'est ça, ça a été tout un cheminement. Oui, effectivement, parce que veux pas, ben, on le disait tantôt, dans le fond, on en revire des pierres, des fois on trouve des trucs auxquels on s'y attendait pas, puis des fois on se rend compte qu'il y a des blessures que le temps fait pas toujours son œuvre. Je veux dire, quelque chose qui était rough il y a 10 ans, il y a 15 ans, l'est encore aujourd'hui, bien souvent, si on n'a pas réussi à confronter, à régler ça, ou parce que, dans le fond, des différentes situations, donc... Oui, puis pourquoi c'était un peu me faire souffrance, là, tu sais, je me suis mis en pleine face là, tout ça, mais c'était nécessaire. Je me suis même pas dit, je vais faire une bande dessinée sur ça. Je me suis levée un matin, je venais de lâcher le cégep parce que j'allais pas bien, et là je me suis mise à faire la BD. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, là, c'était comme un appel de guérison, là. Puis dans le fond, après ça, j'imagine qu'il y a comme un peu un point de bascule où justement de l'appel de l'instinct, où on commence à faire le travail. À un moment donné, là, on prend le recul puis on dit, OK, là, faut que je le structure, faut que je décide un peu où je veux m'en aller avec ça, comment je le bâtis. Mais dans le contexte où, en plus de ce que j'en comprends, mais vous vous rebâtissiez aussi en créant l'album, on peut comprendre justement, les redéparts, les réorganisations, parce que c'est un travail sur vous et un travail créatif en même temps, dans le fond. Oui, puis il y a eu plein de versions, là. Tu sais, au début, j'ai juste tout sorti de moi, et je pense que j'avais 140 pages, là. Tu sais, j'avais et plus, là. Et là, je l'ai comme mis monté avec une de mes amies. Puis là, par après, à chaque fois que je l'envoyais chez des éditeurs, je la refaisais au complet. Puis là, j'ai suivi l'atelier avec Jimmy Beaulieu au Cégep du Vieux-Montréal, un atelier qui donne toujours, là. Puis là, je l'ai refait encore. Puis, tu sais, c'est, il y a plein de versions de ma bande dessinée. Mais c'est aussi, c'est que, en la faisant avec mon éditeur Tristan, ils m'ont rappelé qu'il fallait que je la fasse pour un lecteur aussi, pour un lecteur, pour des gens qui allaient la lire. C'est que c'est pas juste, c'est faut que je, fallait que je pense à un futur lecteur alors que j'avais pas pensé à ça du tout. Tu sais, depuis le début, c'était vraiment tout sortir ça de moi. C'était comme un, c'était une pulsion, là. Et dans le fond, quand, d'une certaine manière, il y a aussi tous les éléments où il y a le côté récit. Il y a le visuel pour nous entraîner là-dedans, parce que ce livre-là, c'est en fait, c'est une claque d'en face, en fait, je pense aussi. C'est un livre qui est réussi, mais qui nous laisse des fois des sentiments quand même assez complexes, assez denses. C'est un livre difficile, mais une difficulté nécessaire. En fait, je l'exprime comme ça pour pas que les gens qui nous écoutent disent ah ça non faut lire. En fait, je pense qu'il faut le lire. Et dans le fond, justement, dans ce contexte-là, vous nous dressez le portrait d'une enfant qui est sensible, qui est timide, qui est triste, qui est isolée. On parle d'une douleur, on parle d'un vide, on parle de dureté envers vous-même, d'une dureté des autres envers vous aussi. Donc, faut réussir à nous rendre ça dans l'ambiance, à nous rendre ça dans le visuel. Et de votre côté, ça nous a amené vers des tonalités. Quand même, c'est un livre assez sombre d'un point de vue coloration, en fait, de présence de noir, dessiné au crayon de plomb aussi. Donc, comment se sont construits peut-être un peu les choix visuels de la grosse LED? En fait, moi, je ne dessine qu'au crayon graphite. J'ai fait un peu de couleurs dans ma vie, mais j'ai pas le temps. J'ai jamais eu le temps d'explorer d'autres médiums. Alors, quand j'ai commencé la grosse LED, c'est sûr que ça allait être en crayon graphite. J'ai même pas pensé à d'autres médiums, parce que c'est le médium que j'ai le plus perfectionné avec le temps. Ben, je travaille à temps plein aussi. Ça, c'est une donnée dans un autre, dans une job qui n'a aucun lien avec la bande dessinée. Et j'avais pas le temps d'explorer d'autres médiums que celui-là. Puis c'est un médium que j'aime faire des portraits avec, j'aime rendre aussi le mouvement. Puis je pense que dans ma bande dessinée, c'est ça qui touche beaucoup les gens, là. C'est l'expression des personnages, puis l'espèce de mouvement dans l'enfance aussi, dans plusieurs pages. Mais c'est sûr que le crayon graphite, je ne me vois pas utiliser un autre médium, en fait. Est-ce que ça crée, dans le fond, parce que le crayon graphite, on est sur papier, il y a des moments où des couleurs aussi, des éléments assez denses. Est-ce qu'il y a un côté peut-être rituel un peu dans la relation qu'on a avec le médium? Puis dans le contexte de la relation qu'on a avec le récit aussi, est-ce que ça, on a l'impression que ça vient teinter un peu, ou c'est vraiment parce que justement c'est une méthode qui coulait de source tout simplement, donc à un moment donné on se pose juste pas de questions, puis c'est comme ça qu'on se lance, parce que c'est comme ça que ça doit sortir. Oui, mais c'est, je me suis pas posé de questions en fait quand j'ai fait mes planches, surtout que j'ai dessiné en ordre aléatoire aussi les pages à la version finale. J'avais un manuscrit qui était précis, là, mais je faisais toutes mes planches, je faisais une en désordre. Puis j'ai même pas pensé à ma, tu sais, pour que mes pages soient plus pâles vers la fin, puis que quand ça va mal, ça soit plus foncé. Mais je dessine tout le temps comme ça avec le graphite. J'aime ça mettre des gros aplats de 8B, de crayon, tu sais, c'est le crayon graphite le plus noir. Puis c'est ça, je suis allée naturellement comme ça, là. Et dans le fond, ça en ressort avec cette ambiance-là. Puis j'imagine que sur 6 ans, justement, le fait de dessiner aussi un peu, bon, pas nécessairement dans l'ordre chronologique, ça aide un peu à l'aspect d'unité, parce que veut pas, quand on fait un projet comme ça, j'ai l'impression qu'on apprend aussi le médium, on s'approprie encore plus le dessin, la narration, etc. Donc, il y a une notion d'apprentissage. Le fait de l'avoir fait en ordre non chronologique permet peut-être un peu, entre guillemets, de cacher certaines évolutions en matière de planches qu'on a conservées, qui datent peut-être un peu plus versus du travail plus récent et autres. Oui, mais c'est vraiment aussi avec l'atelier de Jimmy Beaulieu que ça m'a... Quand j'ai fait cette version-là, suite à son atelier, je trouve que c'est celle qui a eu le plus de changements. Parce que, tu sais, Jimmy, c'est vraiment un pédagogue vraiment incroyable. Puis il a été comme un mentor aussi sur mon projet. Il a tout vu mes planches. Il m'a dit celles qui causaient problème. C'est vrai que, vu que c'était ma première bande dessinée, j'ai fait des erreurs, là, mais il m'a donné les solutions pour que le produit soit soit mieux. Mais aussi, mes planches finales, je les ai faites en 6 mois. Moins d'un an, là. Ça, c'est sûr que la version 1, il y a 6 ans, c'était pas du tout ça, là. C'était au crayon à l'encre, là, même, là, je dirais. Là. Ça a pris du temps avant que je m'aventure dans le graphite pour mes rendus finaux, parce qu'à chaque fois que j'envoyais ma bande dessinée, elle n'était pas acceptée. Fait que je voulais pas trop tout faire pour avoir à tout recommencer aussi. Donc, oui, je les ai fait en 6 mois. Fait que c'est pour ça, ça a été très dur comme marathon final. Oui, effectivement, surtout avec en plus le sujet, avec les sentiments que ça peut évoquer et le reste, où à un moment donné, on réussit justement à dissocier, on est rendu dans la production, dans le volet, OK, on rend l'album, on dissocie un petit peu la thématique, puis l'aspect intime, dans le fond, associé à ce projet-là. Oui, on produit, j'étais en travail à la chaîne, parce que je travaillais encore à temps plein, là. Fait que j'ai travaillé à la chaîne le soir, travaillé à la chaîne les fins de semaine, écouteurs pour les oreilles. Plus d'émotions, je dirais, à part pour la musique que j'écoutais. C'était vraiment plus d'exécuter les dessins. C'est vraiment dans l'exécution, cette phase-là. Toutes mes émotions reliées à mon enfance ont été dans la mise en production du manuscrit, pas dans les dessins finaux. Et à travers ça, en fait, je parlais de rendre dans les ambiances, dans le choix des couleurs, donc les sentiments, mais à ça aussi, il faut réussir à... l'image que je perçois que vous aviez de vous-même, c'est un peu comme si vous regardiez dans un miroir déformant. Donc, d'une certaine façon, il faut réussir à rendre aussi ce regard-là qu'on portait sur soi-même à travers la représentation de soi-même sur le papier. Oui, mais c'est... En fait, tous les dessins, ben, en tout cas, c'est parce que moi, quand j'ai fait ma bande dessinée, je suis toujours partie de photos de moi, puis de... Mais dans le sens que j'ai pas l'impression d'avoir rendu une version déformée. En tout cas, j'ai dessiné ce que je voyais, mais en fait, oui, c'est un regard déformant sur mon corps, oui, mais les je sais pas comment expliquer, mais le... Enfin, on rend un regard déformant, mais qui a une part de vérité. On va chercher plus avec, par exemple, des vieilles photos, du vieux matériel, des vieux films, essayer de voir de quoi on avait l'air à l'époque, de quelle manière, puis de jouer un peu entre la réalité puis la perception, dans le fond. Oui, parce que en fait, ce que je vois n'est pas déformé. C'est mon corps. C'est juste que c'est ma perception qui l'est. C'est plutôt ça que je voulais dire. J'avais pas à trouver mon corps comme une erreur, comme une grossièreté. Tu sais, j'avais juste à le trouver beau ou à l'assumer. Tu sais, c'était... Mais c'est une autre époque, là. On n'était pas dans ce genre de pensée-là en 2001, là. Ouais, oui, en fait, ça aurait été une bonne idée qu'on y soit déjà peut-être en 2001, là, j'ai l'impression. En fait, l'album arrive à un point où, justement, socialement, on en parle plus ouvertement, justement. On a des mots à cette heure avec grossophobie, on parle de poids, d'estime de soi. On a un discours qui est plus positif, un peu revendicateur aussi. Dans le fond, le livre s'inscrit désormais un peu dans cette tangente-là, dans ce discours-là. Vous apportez votre voix à ces témoignages-là pour dire, ben voici, ça, c'est des situations qui n'avaient pas de sens, qu'il ne faut pas perpétuer, dans le fond. Non, bien, il arrive vraiment à point, puis c'est pour ça que je l'ai fait en 6 mois. Là. C'est pour ça que j'ai fait mes dessins finaux en 6 mois, parce que je voulais que ça sorte là. Tu sais, il n'y avait pas de... On va attendre à l'automne 2020. Il fallait que ça sorte là. Le timing était bon, puis... On est dans le début d'une nouvelle ère, à mon avis, sur la diversité corporelle puis l'acceptation de soi. Puis moi, c'est mon témoignage de mon enfance. Puis dans le fond, je voulais apporter mon témoignage puis sur comment les mots ils ont nuit à ma perception de soi jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à maintenant. Là. Oui, puis comment comprendre pour faire comprendre, en fait, d'une certaine façon, à quel point les petits mots, les éléments, les trucs qui sont dits sans nécessairement derrière-pensée, mais avec l'accumulation, je veux dire, à un moment donné où on se sent un peu isolé dans un contexte amical où on est toujours un peu l'objet des moqueries, dans un contexte familial où on en revient toujours sur ces sujets-là, donc finalement, dans des contextes où normalement on devrait être confortable, même là, on finit par avoir un certain inconfort, dans le fond. Oui, puis c'est des mots que moi j'en ai dit des choses aussi à des enfants, puis après m'être observé, je me suis dit ben voyons pourquoi tu dis ça, parce que moi quand j'ai mis bout à bout tous ces mots là, ça l'a fait ça a eu des conséquences, mais je veux dire dans le fond tous les mots que qu'on me dit, mais il y a tout le temps un contexte, tu sais, si tu dis à une fille grosse qui s'aime pas des années 90-2000, sois jolie, sois polie si tu n'es pas jolie, c'est sûr qu'elle peut prendre personnel. Tu sais, moi, c'est dans le fond, c'est une réplique dans ma bande dessinée. Mais, tu sais, c'est, il faut quand même, dans le fond, ce que je veux que ma BD montre, c'est qu'il faut quand même assumer les mots qu'on dit aussi, puis qu'on dise pas juste des mots tout faits aux gens qui nous entourent, là, tu sais, pour combler le silence ou pour faire une taquinerie comme ça. C'est le, c'est, mis bout à bout, ces taquineries-là peuvent vraiment causer du tort. Oui, surtout vers le fond, avec justement l'accumulation de 8 ans à X années, ça, comme vous dites, en fait, ça a son effet, ça a son impact, et ça rend des témoignages comme celui que vous portez dans cette BD-là nécessaire dans le débat actuel, en fait, pas dans le débat, dans la discussion actuelle, parce que je pense pas qu'il y a lieu d'avoir un débat là-dessus. Non, c'est ça. S'il y en a qui veulent faire un... Tu sais, s'il y en a qui ont à débattre là-dessus et qui viennent discuter, je veux dire, ils ont un petit problème à régler, je crois, là, tu sais, dans le sens que pourquoi tu voudrais que les filles grosses soient mal dans leur peau puis qu'elles restent à saillir chez elles? Je veux dire, on n'est pas là, là, on est ailleurs, là. On est pour que les gens, pas juste les filles, là, je sais pas pourquoi j'ai dit les filles, mais pour que les gens qui sont gros ou que les gens avec n'importe quelle diversité corporelle soient bien puis qu'ils intègrent la vie comme tout le monde, là, je veux dire, c'est... J'aurais aimé ça, avoir des exemples là, adolescentes de filles qui dansent, qui sont grosses, bien dans leur peau. Ça m'aurait donné envie de danser, moi aussi, puis de faire des activités, puis de... Tu sais, en tout cas, ça n'existait pas dans ce temps-là. Là. Mmh. Et là, aujourd'hui, en prenant ces paroles-là, tout le monde peut dire, ben d'un côté, si tu te sens comme ça, ben t'es pas toute seule à t'être sentie de cette façon-là, à avoir vécu cette réalité-là. Donc, il y a une notion aussi, puis j'imagine que... Au fil des rencontres, il y a des gens qui doivent venir vers vous en disant « Regarde ce que tu racontes, Marie-Noëlle Hébert, c'est quelque chose que moi j'ai vécu aussi dans telle situation. » Donc, il y a une notion de mise en commun du moment où on commence à se dévoiler, les autres font de même aussi. Là. Oui, j'ai reçu pas mal de témoignages, surtout sur les réseaux sociaux. Puis... Non, c'est ça me fait drôle, en fait. Au début, on dirait que j'étais comme... On dirait que je le réalisais pas du tout, là, que mon livre était sorti puis qu'il y a des gens qui le lisaient. C'est comme si j'avais pas pensé à ça avant la sortie du livre, qu'il y a des gens qui allaient le lire, qui allaient l'avoir dans dans leurs mains. Puis oui, je reçois toutes sortes de témoignages, puis ça montre que vraiment je suis pas toute seule. Il y a plein de gens qui ont vécu ça, puis qui le vivent encore aussi, là. C'est pas fini, là. Et pour Marie-Noëlle Hébert, après ce premier livre-là, donc qui a eu d'ailleurs une belle réception et s'est retrouvé aussi au prix dans les finalistes du prix Libraire, si je me trompe pas. Donc est-ce que d'autres albums, est-ce que l'on se dit ben, ok, on attaque un deuxième projet, puis si oui, un projet aussi personnel ou complètement autre chose? Complètement autre chose. En fait, je me considère pas autrice. En fait, je me considère beaucoup plus illustratrice. Là, j'ai fait un livre, là, mais c'est mon témoignage. Ça se peut qu'il y ait d'autres choses personnelles éventuellement dans ma carrière, mais là, j'ai envie de dessiner pour les autres. Puis là, je fais un projet avec mon ami qui est un personnage dans la bande dessinée. C'est le personnage de Mathilda, ben, c'est mon ami dans la vie. Puis là, on travaille sur un projet. Mais je veux faire de la fiction pour un petit bout, là. M'éloigner un peu de ma vie personnelle. Oui, c'est ça. Oui, en fait, pour passer à autre chose aussi, à d'autres sujets, puis à d'autres manières d'explorer le médium. J'y reviendrai un jour, là, mais là, un peu de juste fiction, là, pas auto-fiction pour un petit bout. Alors, mais Marie-Noëlle Hébert, merci beaucoup. Mais merci à vous. Et à une prochaine. Oui, à une prochaine. Au revoir. Au revoir. Alors, je rappelle donc Marie-Noëlle Hébert, donc, qui est l'autrice de cette bande dessinée, donc La Grosse LED. C'est du côté des éditions XYZ. Et ben, un livre dont on vous a déjà dit d'ailleurs beaucoup de bien il y a quelques semaines dans nos coups de cœur 2019. Et ben, dont on vous redit du bien également ce soir. Alors, ben, on fait recommandation de notre côté d'y jeter un coup d'œil et ben, de découvrir, de se donner le temps d'entrer, de profiter de ce contact, de cette prise de parole-là et de l'impact, de l'effet que celle-ci aura nécessairement sur vous. Alors voilà, donc c'est ce qui clôt cette édition de La Vie en BD. Nous, évidemment, on va se retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, encore une fois dans d'autres sujets, on va vers la bande dessinée muette. Antonin Buisson sera avec nous pour jaser du Mousquetaire. Également, Édouard Tremblay sera de passage pour nous offrir un petit survol du travail, de l'œuvre et de ce que lui l'a happé dans le travail et l'œuvre de Fabien Nourry. Alors ça, c'est le menu pour la semaine prochaine. D'ici là, ben merci d'avoir été avec nous ce soir. Et ben je vous souhaite, c'était Raymond Poirier au micro. Je vous souhaite une bonne semaine et une bonne soirée sur les ondes du 89.1 CKRL.